Ninon de l'Enclos à Monsieur de Saint-Evremont, 1697. J'apprends avec plaisir que mon âme vous est plus chère que mon corps, et que votre bon sens vous conduit toujours au meilleur. Le corps, à la vérité, n'est plus digne d'attention, et l'âme a encore quelques lueurs qui la soutient et qui la rend sensible au souvenir d'un ami dont l'absence n'a point effacé les traits. Je fais souvent de vieux contes où Monsieur d'Elben, Monsieur de Charleval et le chevalier de Rivière réjouissent les modernes. Vous avez part aux beaux endroits. Mais comme vous êtes moderne aussi, j'observe de ne vous pas louer devant les académiciens qui se sont déclarés pour les anciens. Il m'est revenu un prologue en musique que je voudrais bien voir sur le théâtre de Paris. La beauté qui en fait le sujet donnera de l'envie à toutes celles qui l'entendront. Toutes nos Hélènes n'ont pas le droit de trouver un Homère et d'être toujours les déesses de la beauté. Me voici bien haut, comment en descendre ? Mon très cher ami, ne falloit-il pas mettre le cœur à son langage ? Je vous assure que je vous aime toujours plus tendrement que ne le permet la philosophie. Madame la duchesse de Bouillon est comme à 18 ans. La source des charmes est dans le sang Mazarin. À cette heure que nos rois sont amis, ne devriez-vous pas venir faire un tour ici ? Ce sera pour moi le plus grand succès de la paix.